Le bouddhisme au Tibet, précédé du résumé des précédents systèmes bouddhiques dans l'Inde, par Émile de Schlaginweit, traduit de l'anglais par Monsieur de Miloué. Première partie, les divers systèmes de bouddhisme. Section 1, bouddhisme indien. Chapitre 1er, esquisse de la vie de Sakyamuni, le fondateur du bouddhisme. Son origine, principaux événements de sa vie. Il atteint la perfection d'un Bouddha, époque de son existence. Bien que les innombrables légendes concernant la vie et les travaux de Sakyamuni, que l'on considère comme le fondateur de la religion bouddhique, contiennent beaucoup de fabuleux, la plupart des incidents qui y figurent paraissent cependant basés sur des faits matériels quand on les dégage de l'enveloppe de merveilleux dont les premiers historiens avaient coutume d'embellir leurs récits. Actuellement, les recherches scientifiques ont mis hors de doute l'existence réelle de Sakyamuni, mais l'époque à laquelle il a vécu restera toujours quelque peu dans le vague. Sakyamuni naquit à Kapilavastu dans le Gorakhpur. Les légendes nous racontent que son père, le roi Suddhodana, anti-tibétain Zastang, requis 108 savants brahmanes pour lui dévoiler la destinée de son fils. Les brahmanes, disent les légendes, après un examen attentif du corps du prince, exprimèrent leur conviction que, s'il vivait dans le monde, il deviendrait le puissant souverain de vastes territoires, mais que, s'il vivait de la vie d'ascète, il atteindrait l'état de Bouddha suprême ou sage. En cette assemblée solennelle, ils déclarèrent que cet enfant deviendrait la bénédiction du monde et jouirait d'une grande prospérité. Ce fut par suite de ces prédictions que le prince reçut le nom de Siddhartha, le fondateur. Note. Dans les légendes sacrées, il est généralement désigné sous d'autres noms, ceux de Sakyamuni, en tibétain, Shakyatupa, Sakya le puissant, Gautama ou Sramana Gautama, l'ascète des Gautama, se rapporte également à sa famille et à sa carrière. Les noms de Bhagava, le fortuné, Sugata, le bienvenu, Bouddha, le sage, désignaient sa suprême perfection. Un nom fréquemment donné au Bouddha dans les livres sacrés est celui de Tathagata, en tibétain des uns ou les uns Shepa, celui qui a été comme ses prédécesseurs. Fin de la note. Siddhartha se montra doué de facultés extraordinaires. Les légendes affirment qu'il connaissait déjà ses lettres lorsqu'on voulut les lui apprendre et que ses admirables perfections physiques et mentales manifestaient les éminentes qualités dont il était doué. Comme très particulièrement caractéristique, on ajoute que dès son enfance il aimait la retraite et la solitude, abandonnait ses gais et joyeux compagnons pour chercher les forêts épaisses et sombres où il s'abandonnait à de profondes méditations. Pourtant Suddhodana désirait voir son fils devenir un puissant monarque plutôt qu'un ascète solitaire, aussi. Quand une nouvelle consultation de Brahman lui apprit que Siddhartha devait abandonner son palais magnifique, pour se faire ascète, si ses regards rencontraient quatre choses, la décrépitude, la maladie, un cadavre et un reclus, il plaça autour du palais des gardes vigilants afin d'empêcher ces objets redoutés d'arriver sous les yeux de son fils bien-aimé. Afin de combattre son amour de solitude et de méditation, il le maria à Gopa, en tibétain Satsoma, fille de Dandapani, de la race de Shakya et lui fit prodiguer toutes sortes de plaisirs. Ces précautions devaient être inutiles. Siddhartha, au milieu des festins, de la joie, des séductions de toutes sortes, ne cesse de songer aux maux qui viennent de la naissance, de la maladie, du déclin et de la mort, à leur cause et aux remèdes à employer contre eux. Ils trouvent que la véritable cause de ces maux, c'est l'existence, que du désir naît l'existence et que l'extinction du désir entraîne la cessation de l'existence. Ils se déterminent alors, résolution prise 100 fois déjà, à conduire les hommes au salut en leur enseignant la pratique des vertus et le détacherait des choses du monde. Bien qu'il eût hésité jusqu'alors, il exécute enfin sa résolution de renoncer au monde pour embrasser l'état religieux. Il avait rencontré à 4 époques différentes, en se rendant à un jardin proche du palais, un vieillard, un lépreux, un cadavre et un prêtre. Il avait atteint l'âge de 29 ans quand il quitta son palais, son fils nouveau-né et sa femme, qui, dit-on, donnait le jour à 7 enfants au moment même de la rencontre de son époux et du religieux. Note. Il est fort probable, dit Vassiliev, dans son bouddhisme, page 12, que ce fut une guerre dans laquelle la tribu des Sakya fut défaite et Sakyamuni obligé de fuir en exil, qui lui fit considérer l'existence comme une cause de peine et de chagrin, plutôt que la vue des 4 objets redoutés que mentionnent les légendes. On raconte, en effet, que la race des Sakya fut presque entièrement détruite pendant la vie du Bouddha. Fin de la note. Siddhartha commença sa nouvelle vie en étudiant avec zèle les doctrines des Brahmanes, et en se faisant le disciple des plus savants d'entre eux. Mécontent cependant de leurs théories et de leurs pratiques, il déclare qu'elles n'offrent pas les vrais moyens de salut, il les abandonne et se livre pendant 6 ans à une profonde méditation, et à l'exercice de grandes austérités. Il renonce bientôt à ces dernières, reconnaissant par sa propre expérience que les mortifications pratiquées par les brahmanes n'étaient pas de nature à conduire à la perfection. Ces 6 années écoulées, il se rend à Bodhimanda, lieu sacré où les bodhisattvas devenaient Bouddha. Lorsqu'il y fut, s'étant assis sur une couche de gazon, du genre de Kusa, il arriva à la perfection suprême. Cette perfection se manifesta par sa souvenance exacte de tout ce qui concernait toutes les créatures ayant jamais existé, en obtenant l'œil divin par l'aide duquel il voyait toutes choses dans l'espace des mondes infinis, et en recevant la science qui explique les causes du cercle sans fin de l'existence. Sakyamuni, ainsi doué de toutes ces prodigieuses et merveilleuses facultés, devint l'homme le plus sage, le plus parfait Bouddha. Mais, quoique arrivé à cet état de perfection, il hésitait encore à faire connaître ses doctrines, à les proposer aux hommes, ses principes étant, selon lui, opposés à tout ce qu'on révérait alors. Il redoutait les insultes des hommes, créatures ignorantes et remplies de mauvais desseins. Mais ému de compassion et réfléchissant néanmoins que beaucoup d'êtres le comprendraient et seraient délivrés par lui de l'existence, cause des peines et des chagrins, il se décida enfin à enseigner la loi qui lui avait été révélée. Confère Barthélemy Saint-Hilaire. Sakyamuni mourut, suivant les écritures, après avoir atteint l'âge de 80 ans. La date que les livres sacrés assignent à cet événement varie considérablement, les époques extrêmes qu'ils mentionnent étant l'an 2422 et 544 avant Jésus-Christ. Lassant, dans son étude de ces matières, donne la préférence à la littérature des bouddhistes du Sud qui place sa mort en 544 ou en 543 avant Jésus-Christ. Westergaard, cependant, dans un récent essai sur ce sujet, croit même que sa mort a eu lieu de 370 à 378 avant Jésus-Christ, soit environ une génération avant qu'Alexandre le Grand montât sur le trône. Markendanarchive.org 2022, d'après Gallica BNFFR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.